Chapitre 7e. André avait depuis longtemps terminé les travaux sur lesquels il avait fondé de si grandes espérances. Il les avait présentés et avait reçu l'approbation la plus complète. La récompense promise était à sa disposition. Il pouvait obtenir à Paris une place qui lui ferait une situation exceptionnelle. Il n'avait rien demandé. Dans la vie paisible qu'il menait à Chartres, il trouvait un charme secret qu'il ne pouvait définir. Ce n'était pas celui de l'habitude, car la vue des endroits où il avait tant souffert provoquait encore en lui de temps en temps de douloureux mouvements de répulsion. Il rencontrait parfois Florence. La vue de cette femme vieillie par le chagrin plus que par les années, qui maintenant n'avait plus d'âge et passait près de lui sans sourire, avec un grave signe de tête et un regard qui contenait presque un reproche, était pénible au jeune ingénieur, plus qu'il n'aurait su le dire. Pourtant, il reculait devant l'idée de quitter la ville, et se disait qu'à Paris il serait bien isolé. L'isolement n'est guère effrayant pour un jeune homme. Il sait bien vite créer des relations, bonnes ou mauvaises, et l'emploi de ses heures de loisir n'est pas pour lui un problème insoluble. À l'égard d'André, il en était autrement. Le café lui répugnait, le théâtre plus encore. Il avait pris une horreur depuis qu'il avait épousé Rose. Restaient les relations sociales, les vraies, celles qui font qu'un homme se perfectionne ou s'amoindrit, suivant le niveau moral des gens qu'il fréquente. Celles-là ne se font pas si vite et se créer une société étant toujours une chose très difficile, André, rendu ombrageux par ses chagrins, reculait de plus en plus devant la perspective de nouvelles difficultés, même relativement peu importantes. Un jour qu'il travaillait seul, un peu plus mélancolique que de coutume, car le printemps avait maintenant le don de lui rappeler toutes ses tristesses, Langlois entra dans son cabinet d'études. « Je viens te demander conseil, lui dit-il, avant de parler à ma femme d'une lettre que je viens de recevoir. Il s'agit d'une nouvelle fort imprévue. Toi qui me connais, tu ne t'imagineras pas que j'ai rien sollicité. On te décore ?» fit André avec un sourire. « Pas le moins du monde. Seulement, une place se trouve vacante dans un grand hôpital de Paris, et voici qu'on m'offre de la remplir. Eh bien ?» fit André le cœur vaguement serré. « Je ne sais ce qu'il faut faire, répondit Langlois d'un air soucieux. Je ne parle pas maintenant de tous les intérêts matériels qui se trouvent en jeu dans cette affaire. Mais la responsabilité morale, à elle seule, est terrible. » André ne répondit pas, il réfléchissait. « Comment se fait-il qu'on ait songé à toi ? » dit-il enfin. Langlois hésita avant de répondre, puis faisant appel à son courage. « Je crois que c'est la guérison de... » Il s'arrêta, ne sachant comment continuer. « De Rose Rosier. » qui attirait sur moi l'attention du corps médical. Le cas était curieux, certainement. Et bien que par un sentiment que tu comprendras, j'en ai parlé le moins possible, la mauvaise humeur qu'a témoigné le médecin de l'hôpital de Tours, qui avait déclaré le sujet incurable, en apprenant un succès aussi complet, m'a plus servi qu'un pompeux panégyrique. Un de mes amis, ou pour mieux dire, un de mes anciens professeurs, enchanté probablement de faire pièce à cet homme honnête mais grinchu, m'a porté au nu et tu en vois le résultat. Il me semble, dit André, que tu dois te montrer satisfait. La fortune et la réputation t'arrivent à la fois. Je suis content, certainement, dit Langlois, mais tout cela changerait singulièrement ma vie. Alors tu me conseilles d'accepter? Parbleu, fit André. Suis-je capable de remplir dignement ces fonctions? Insista Langlois, toujours perplexe. André ne put s'empêcher de rire. J'admire comme un médecin si résolu, un homme si sûr de ses jugements, peut se montrer faible quand il s'agit de se juger lui-même. Va donc, grand enfant. Je voudrais que tous les médecins célèbres fussent tels que toi. Allons, fit Langlois avec un soupir. J'en parlerai ce soir à ma femme. Madame Langlois fut d'abord très étonnée. Habiter Paris, cela lui paraissait presque aussi effrayant que si on lui avait proposé d'aller demeurer dans le château de l'ogre du petit Pousset. André, auquel elle faisait part le lendemain de ses perplexités, eut le bonheur de la rassurer d'un mot. « Vous n'allez qu'à aller demeurer dans l'île Saint-Louis, chère madame, et je vous assure que le changement ne vous paraîtra pas considérable. » Marguerite, consultée aussi dans le conseil de famille, ne présenta pas d'objection. Mais elle fut sérieuse tout le jour et bien des jours ensuite. Peut-être pleura-t-elle en secret, mais personne n'en sut rien. Le joli nid des Langlois se désemplissait tous les jours. À chacune de ses visites, André remarquait l'absence de quelques meubles, de quelque objet familier à ses yeux. Bientôt, dans les chambres des garnis, il ne resta plus que le strict nécessaire. Marguerite allait et venait avec sa douceur ordinaire, mêlée de résignation dans ses pièces désertes, jadis si étroites, à présent si vastes. « Vous n'êtes pas contente d'aller demeurer à Paris ?» lui demanda l'ingénieur, un jour que cette expression de tristesse dominait sur le visage de la jeune fille. « Ici ou là, monsieur, peu m'importe, » répondit-elle avec un sourire aussitôt effacé. « J'aimais cette maison, je l'avoue, et j'éprouve un peu de peine à la quitter, mais je m'accoutumerai sans doute à une autre. » Elle se tut. Les portes grandes ouvertes, les fenêtres sans rideaux laissaient entrer trop de lumière dans le salon jadis si doucement éclairé. Tout à coup, André, lui indiquant une place près de la fenêtre, lui dit soudain « Vous souvenez-vous? C'est là que je vous ai vu pour la première fois. Vous portiez dans vos bras Lucien, âgé de quelques heures. » « Oui, je m'en souviens, » dit lentement Marguerite. « Il est devenu si grand qu'on a peine à se figurer qu'il a été si petit, » ajouta-t-elle pour corriger ce que sa réponse pouvait présenter de trop intime. Ils gardèrent tous les deux le silence. Puis Marguerite dit de sa voix douce « Vous allez peut-être vous trouver bien seul quand mon beau-frère sera parti. Il vous aime beaucoup. » André sentit soudain tomber sur ses épaules le froid manteau de la solitude. Il s'était dit en effet que Langlois lui manquerait. Mais jusqu'à ce jour, il n'avait pas réellement senti le vide de cette absence. Et surpris de ce qu'il éprouvait, il s'aperçut que depuis 15 jours, son ami passait à Paris la majeure partie de son temps. Il le voyait à peine, et cependant le docteur ne lui avait pas manqué le moins du monde. Cette maison aimée, qui s'en allait pièce par pièce, ce n'est pas Langlois qu'elle représentait, c'était Claire et sa sœur surtout, cette douce Marguerite, si souvent triste depuis quelque temps. Il regarda autour de lui, la jeune fille avait disparu. Le lendemain, il escorta les deux dames à la gare. Tout était enlevé dans la maison du boulevard. Elles étaient tout ce qui restait encore de cet aimable intérieur, et le train allait les emporter. Encore quelques minutes, un regard, une poignée de main, et le joli visage d'Auclair se pencha à la fenêtre du wagon avec un dernier adieu dans un sourire, et André se trouva sur le quai, seul avec le chef de gare. « Nous faisons une grande perte, monsieur, » dit celui-ci. « Nous ne remplacerons pas le docteur Langlois. »« Madame Langlois non plus. »« Marguerite non plus, » faillit dire l'ingénieur. Il se retint et fit une phrase sérieuse sur le brillant destin qui attendait le jeune médecin, puis il salua et retourna chez lui lentement. Jamais sa maison ne lui avait paru si vide et si sonore.